Je vais saisir ce que tu viens de dire au bon pour instaurer peut-être un premier débat qui me semble assez important et qui répond à un certain nombre d'exigences et d'analyses de nos collègues organisateurs. Je pense en particulier à Sophie Desrosiers, par exemple. C'est que l'an prochain, il faudrait peut-être que nous sortions plus du cadre de l'ESR, comme on dit, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et j'avoue que les séances où nous avons abordé les problèmes de l'hôpital, par exemple, nous ont quand même beaucoup appris sur ce qui se passait dans un milieu qui est quand même très proche, puisqu'il ne faut pas oublier que l'hôpital est aussi un lieu de recherche et d'enseignement, hein. De façon annexe sans doute, mais de façon quand même très importante, et que ce qui s'y passe n'est pas absolument indifférent aux mutations que nous connaissons. Je vous rappelle, puisque bon, l'expérience me donne un certain nombre de savoirs, hein, qu'en 1986, c'est des hospitaliers universitaires qui était venu le faire de l'offensive, hein, qu'avait mené le gouvernement à cette époque contre, en particulier, le CNRS. Donc tout cela est important, même d'un point de vue, si vous voulez, concret. Et là, je crois que l'an prochain, Michel Agier, Michel Barthélémy, Christian Topaloff et moi-même serons très attentifs aux propositions qui pourront être faites dans ce sens. Mais je vous pose la question à vous tous collectivement, comment percevez-vous l'articulation possible de nos réflexions et de notre action aussi au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche avec les autres composantes de la fonction publique qui subissent des politiques peut-être différentes, mais dont les finalités paraissent proches et que je résumerai pour ma part d'une façon simple, puisqu'il s'agit de mettre en cause le fonctionnement du service public en tant que service public. Et pour ma part, c'est ce que je trouve le plus fondamentalement inacceptable dans des réformes qui, je l'avoue, après un an, hein, ne passent pas plus dans mon esprit qu'en juin 2009. C'est peut-être parce que je suis têtu et que je n'arrive pas à apprendre, mais je pense que nous sommes bon nombre dans cet état d'esprit ici. Mais il me semble que non seulement dans la perspective des luttes, comme on disait, hein, ce qui me semble être une formule qui n'est pas périmée, hein, et que j'espère qu'elles se développeront l'année prochaine, mais aussi de la réflexion. Cette liaison, si vous voulez, cette réflexion sur l'ensemble de la fonction publique, sans oublier évidemment le caractère absolument spécifique de ce qu'est l'éducation, hein, et l'enseignement supérieur et la recherche, me semble une dimension nécessaire à notre réflexion. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette idée ou si vous voulez présenter d'autres choses. Jean, je crois que tu veux prendre la parole, Jean Fabry.